je ne me suis jamais trouvé beau. C'est un complexe qui ne s'en va pas. Alors je m'en sors par un mot. Quelquefois drôle, quelquefois pas. Pourtant je sais ma préférence. Je connais celle qu'il me fallait. Mais je n'ai pas tenté ma chance. Rien dit de ce qu'elle attendait. Ce soir-là, tu étais très blonde, un feutre noir à manteau long. On s'est entrevu une seconde, tu dînais avec un garçon. Dans cette seconde, tu m'as souri, je t'ai trouvé belle à mourir. Mais nous n'avons rien pu nous dire, peut-être ai-je d'ailleurs mal compris. C'était un restaurant d'hôtel, les tables éclairées aux chandelles. Tu étais à 10 pas de moi, mais c'est dans tout ce que je ne dis pas que tu te reconnaîtras, que tu te reconnaîtras. Et c'est dans tout ce que je n'ose pas que tu me reconnaîtras, que tu me reconnaîtras. J'ai quitté la salle en premier, je sais que tu m'as vu partir. J'aurais aimé me retourner, mais qu'aurais-je trouvé à te dire? J'ai vu que l'homme prenait ta main, je l'ai haï du fond du cœur. J'ai bien compris qu'il n'était rien sinon ton accompagnateur. C'était un restaurant de nuit, les tables éclairées aux bougies. Tu étais à 10 pas de moi, mais c'est dans tout ce que je ne dis pas que tu te reconnaîtras, que tu te reconnaîtras. Et c'est dans tout je n'ose pas que tu me reconnaîtras, que tu me reconnaîtras. Ce soir-là, tu étais très blonde, un feutre noir à manteau long. On s'est entrevu une seconde, tu dînais avec un garçon. Dans cette seconde, tu m'as souri, je t'ai trouvé belle à mourir. Peut-être aurais-je pour te le dire un prochain soir dans cette ville.